Voyage et aventure du baron de Vaughan en Californie, 1850-1852. Chapitre 1er. Arrivé à San Francisco. Description de cette ville. Départ pour les placers. Le claim. Première déception. Dans les derniers jours de 1850, l'Isthmus, bateau à vapeur de la compagnie américaine sur l'océan Pacifique, débarquait sur le quai de San Francisco une trentaine de passagers qui l'amenaient de Panama. Parmi ces voyageurs que le besoin d'aventure, de spéculation ou la fièvre de l'or amenaient en Californie, se trouvaient quatre Français, poussés loin de leur patrie par les contre-coups des convulsions politiques. Partis de différents points du sol natal, des rangs sociaux ou des partis existants, ils s'étaient liés les uns aux autres par le contrat d'une de ces associations industrielles que faisaient éclore en ces temps agités les bouillonnements de la société européenne d'une part et de l'autre la réputation exagérée des mines d'or de la Californie. Il ne s'agissait de rien moins que de l'exploitation d'une machine nouvelle qui, appliquée au lavage des terres aurifères, devait donner de merveilleux résultats, autant du moins que l'avaient annoncé beaucoup de journaux grands et petits, sur la quatrième page desquels les amateurs de collection pourraient bien trouver encore son dessin, coupe, profil et élévation. Un des quatre associés est l'auteur des pages suivantes, extraites d'un journal tenu aussi régulièrement que les circonstances le lui ont permis et qu'il se propose de publier en entier si l'échantillon qu'il leur donne aujourd'hui pouvait éveiller l'intérêt des lecteurs. À cette époque, San Francisco n'était pas encore la grande cité qui s'intitule pompeusement à l'heure présente la reine du Pacifique. Sa population, qui dépasse aujourd'hui 100 000 âmes, atteignait à peine alors au quart de ce chiffre. Son développement rapide, incessant, est dû tout entier à la rare énergie de sa population, qui possède toutes les qualités de ses nombreux défauts. Rien n'a pu l'abattre, ni les plus graves excès, ni les désordres administratifs les plus scandaleux, ni les désastres effroyables d'immenses incendies, ni les secousses monétaires, ni les découragements, ni les paniques. San Francisco a triomphé de tout, et ces immeubles recherchés subissent une hausse progressive qui témoigne des promesses de l'avenir. Tout y subit l'influence de l'heureuse impulsion de sa jeunesse. Tout s'y installe et prospère. On sent que les métaux précieux, l'agriculture, le commerce, l'industrie doivent faire, par leur concours intelligent, la grandeur de la Californie. Aucune des conditions modernes de la civilisation ne manque à la métropole de ce pays. Le gaz et l'eau ont des conduits dans toutes les rues. Des omnibus circulent partout, d'élégants équipages et de nombreuses voitures de place sillonnent tous les quartiers. Francs-maçons, sociétés de bienfaisance, caisses d'épargne, congrégations, sociétés bibliophiles, vastes chantiers de construction, immenses ateliers de fonderie, scieries mécaniques, télégraphie, presse, théâtre, marché, regorgeant en tout temps de légumes, de gibier, de fruits magnifiques, tout est là réuni. L'émigration arrive de toutes parts et s'installe à demeure dans ce pays si désert et si désolé il n'y a pas 20 ans. Il est devenu une patrie. Mais en 1850, la tumultueuse effervescence des éléments discordants venus de tous les points du globe pour fonder cet avenir faisait ressembler San Francisco à un immense creuset en ébullition, plutôt qu'au berceau d'un grand État. Et après un séjour de quelques heures, nous avions hâte de quitter ce théâtre de sanglantes collisions et ce foyer de toutes les mauvaises passions. Nous nous embarquâmes à bord d'un pyroscaf qui faisait les voyages de la ville au district aurifère. Après avoir traversé la rade de San Francisco en frayant notre route au milieu des navires aux couleurs de toutes les nations, nous gagnâmes l'embouchure du Sacramento pour remonter le cours de ce fleuve. Le paysage de ses bords nous offrit les plus riants aspects. De chaque côté s'étendaient de verdoyantes savanes ou de jolis bois peuplés de nombreux troupeaux de cerfs. Une suite de collines couvertes de bouquets de chênes égayait la perspective. À l'horizon, une chaîne de hautes montagnes servait de cadre au tableau. Nous naviguions, suivant de l'œil ce panorama délicieux depuis quelques heures, lorsque nous aperçûmes à une distance d'environ 1 mille en avant de nous un brick anglais de commerce qui paraissait à l'ancre. Nous hélâmes pour l'engager à nous laisser le passage libre. Il répondit avec son porte-voix en anglais « I am aground in the middle of the passage, the other part of the river being obstructed by a sandbank. Je suis échoué au milieu du chenal et tout le reste du courant est obstrué de bancs de sable. » Ceci ne faisait pas l'affaire de notre capitaine Yankee, qui prit le parti de passer quand même par-dessus le cours de l'anglais s'il le fallait. Effectivement, à peine avait-il échangé avec nous un regard d'intelligence qu'il commandait au chef mécanicien d'opérer un mouvement rétrograde, puis, imprimant à la vapeur toute sa puissance, notre steamer s'élança dans l'espace jugé libre entre la rive et le bâtiment échoué. Le choc fut terrible, mais le Yankee passa, emportant avec lui une partie du bordage de tribord du pauvre bâtiment anglais. Quant à nous, nous y perdîmes notre bastingage et le tambour de notre roue de bâbord. Quelques voyageurs peu habitués à la mer y perdirent leur équilibre et roulèrent pêle-mêle parmi les denrées de toute espèce qui encombraient le pont. Nous arrivâmes sans autre accident à San Sacramento, qui était notre première étape en Californie. Sacramento, la seconde ville de cette région, doit, comme San Francisco, son origine aux mines d'or. Elle est située sur la rive gauche du fleuve dont elle porte le nom. Aussitôt après notre débarquement, nous nous mîmes en quête d'une charrette et d'un attelage pour transporter nos bagages au placer de Grace Valley, où nous avions l'intention d'expérimenter notre machine. Quelques heures après, nous suivions, la carabine sur l'épaule, notre véhicule portant l'avenir de notre association et avançant péniblement sous les efforts de quatre mulets. À la fin du jour, nous fîmes halte dans un lieu découvert pour y passer la nuit, et le lendemain, avant l'aube, nous nous remîmes en route. Le pays que nous traversions était inhabité. Ce n'était alors que rarement que nous apercevions le long de quelques cours d'eau une habitation isolée. Nous suivions quelquefois des portions de route qui jadis avaient dû être fort belles. Ces vestiges étaient encore l'ouvrage des missionnaires qui, au temps de leur puissance, avaient voulu relier les diverses missions entre elles afin de rendre les communications plus faciles. Le pays devenait de plus en plus accidenté à mesure que nous avancions, ce qui retardait beaucoup notre marche. De 11 heures à 1 heure, nous faisions ordinairement halte pour laisser passer la grande chaleur et reposer nos mules. Nous apportions la plus grande prudence le soir, dans le choix du lieu de notre campement, et le jour dans l'ordre de notre marche, le pays étant infesté par des vagabonds, chercheurs d'or occulte, qui, au lieu d'interroger laborieusement le sein de la terre, trouvaient plus commode et moins fatigant de se procurer ce précieux métal en dévalisant les voyageurs. Enfin, nous parvînmes au village de Rough and Ready, brusque et prêt, dans la vallée où s'élève Nevada City. Là, nous eûmes pour la première fois devant les yeux l'aspect d'un placeur de mineurs. Au fond d'un ravin qui semblait avoir été bouleversé par un ouragan, une grande quantité d'arbres avait été arrachée du sol. Au milieu d'excavations profondes, on voyait les mineurs courbés sur leurs pics avec lesquels ils retiraient les couches de terre aurifères pour aller les laver à près d'un mille de distance. Plus loin, un autre, plus heureux, plongé dans l'eau glacée jusqu'au rein, lavait la terre dans un plat de fer battu pour en extraire l'or. De chaque côté du ravin étaient échelonnées les habitations des mineurs, consistant en tentes de toutes formes et en cabanes de planches de cèdre. Après avoir contemplé quelque temps ce spectacle si nouveau pour nous, nous continuâmes notre route pour Grass Valley, où nous arrivâmes le surlendemain. Quoique plus considérable, ce placeur avait le même aspect à peu de choses près que celui de Rough and Ready. À peine étions-nous arrivés que nous fûmes entourés par un flot de curieux, nous regardant avec étonnement déballer notre précieuse machine. Nous dressâmes aussi notre tente sous un massif de verdure qui nous fut indiqué par des Suisses, avec lesquels nous visitâmes le placer dans toute son étendue avant de nous livrer au repos dont nous avions tant besoin. Vers minuit, nous fûmes tous réveillés par la tempête. La foudre grondait avec fracas, et sa voix altière, se répercutant dans les échos des trois montagnes qui dominaient le placer, semblait plus terrible encore. Notre tente résista au choc du vent, grâce à ses cordages neufs et à ses piquets de fer, mais non à la pluie qui s'infiltrait, fouettée par le vent, en masses épaisses, brouillard qui eut bientôt traversé nos couvertures et nos vêtements et nous trempa jusqu'aux os. Le jour arriva enfin, et ayant allumé un immense feu avec les branches sèches que la tempête avait brisées, nous pûmes réchauffer nos membres engourdis. Ce n'était pas tout. Il fallait monter la machine et la faire fonctionner. Dans ce but, nous choisîmes un claim, où nous fîmes nos premières expériences, qui n'amenèrent aucun résultat satisfaisant. Enfin, m'étant penché sur le récipient où était placé le mercure, je pus constater que l'or passait par-dessus sans s'y amalgamer. Nous fûmes consternés, à cette découverte et pensâmes, d'un commun accord, que notre mercure, que nous avions eu l'obligeance de prêter au capitaine de l'isthmus pour remplacer le sien perdu pendant une tempête sur les côtes du Mexique, avait été détérioré. Nous recommençâmes avec persévérance, mais chaque fois que nous passions le mercure à la peau de chamois, il n'y restait aucune parcelle d'or. Après avoir constaté généralement que la machine par elle-même était impropre au lavage des terrains aurifères, nous nous sentîmes plus ou moins découragés. Mes trois compagnons proposèrent de dissoudre la société, de partager le matériel et le reste des fonds qui se trouvaient en caisse. J'acceptai l'offre, heureux de pouvoir enfin vivre seul de cette vie d'aventure et de liberté à laquelle j'aspirais. Ces messieurs partirent donc pour San Francisco, et moi je restai à Grass Valley, le temps nécessaire pour recueillir assez de poudre d'or et me procurer ainsi les moyens de me livrer à la vie d'excursion que j'avais projetée.